Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. La famille du journaliste Jérémy Misago affirme qu'il est toujours en vie même s'il ne veut pas dévoiler là où il est. Et le premier ministre burundais Jerry Ndrakobucha a visité l'Isabou ce lundi où des mini tuberculés ont été récoltés qui par après elles vont être multipliées. À Bururi, l'on vous parlera de l'incarcération de 5 personnes accusées d'assassinat d'un voleur de pommes de terre. Voilà pour les titres de cette édition qui est mise en onde par François Akimana. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, la famille du journaliste Jérémy Misago révèle que ce dernier est encore en vie selon son oncle. Gilbert Nijimbere précise que Jérémy Misago, journaliste du groupe de presse Iwachu, ne veut pas dévoiler l'endroit où il est non plus les conditions. Cela est ainsi au moment où sa famille et le groupe de presse Iwachu avaient annoncé la disparition du journaliste Jérémy Misago depuis samedi passé. Et 5 personnes sont locataires du cachot de la police en commune Erutovu de la province Bururi. Elles sont accusées d'avoir assassiné ce dimanche un voleur de pommes de terre sur la colline Mutangaro de cette commune. Josette Ndaikeza, administrateur de la commune Erutovu, appelle la population à ne plus se faire justice. Zeno Nzambimana. C'est un homme du nom de Jérôme Nivizi qui a été attrapé en flagrant délit par la population quand il était en train de voler dans un champ de pommes de terre sur sa colline natale Mutangaro de la commune Rutovu, province de Bururi. C'était le matin de ce dimanche. Ce voleur a été battu à mort par la population de cette localité, dont les employés du propriétaire de son champ de pommes de terre, selon les sources policières à Rutovu. Les informations recueillies auprès de la population de la colline Mutangaro disent que cet homme était un voleur d'ornons dans les ménages et champs de cette localité. Des informations confirmées également par les élus collinaires à Mutangaro. Les mêmes informations disent que la police est arrivée sur les lieux, mais Jérôme Nivizi était déjà mort. 5 personnes, dont 3 hommes et 2 femmes, qui auraient trempé dans cet assassinat, ont été directement arrêtées et sont pour le moment au cachot du commissariat communal de la police à Rutovu, selon les sources policières. Josette Ndaikeza, l'administrateur de la commune de Rutovu, appelle la population à ne plus se faire justice. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio, Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. De Bururi aussi de Duperandouna Kayanza, au nord du pays où des mini tuberculés de la pomme de terre de différentes variétés de cette culture ont été récoltées ce lundi et par après vont produire des souches, lesquelles souches seront multipliées pour donner à leur tour des pré-bases qui seront données aux multiplicateurs de semences et de la pomme de terre. C'était lors de la visite du premier ministre burundais Gervais Ndirakobuchia ce lundi à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi en province Kayanza, situé sur la colline Munanira, commune Muruta de cette province. Adeline Yonsaba, directeur du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, indiquait que cela c'est dans l'optique d'améliorer le rendement agricole. Radio Isanganiro, chronique sport. Les arbitres du sport de rallye se rencontrent avant l'organisation de la compétition dans le but d'analyser ensemble des règles qui seront applicables lors de la compétition. Adone Gamillé, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, indique que les courses de la rallye sont arbitrées en général par 100 officiels qui ont des fonctions différentes, y compris ceux qui sont chargés de la sécurité routière. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Kazenede. Lors de la compétition de sport de rallye, on doit avoir 100 officiels qui ont des fonctions différentes, notamment les contrôleurs et les officiels chargés de la sécurité routière. Propos de Adone Gamillé, directeur des courses au sein de la Fédération des clubs automobiles au Burundi. Le sport automobile, c'est un sport qui est comme tant d'autres sports ici au Burundi et qui est principalement régi par la réglementation de l'autorité sportive nationale. Je cite ici le club automobile du Burundi en se référant sur le code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile. Et ceci est mis en œuvre par les officiels qui sont chaque fois visibles ou bien qui sont présents lors des événements qu'on organise ici au pays. pour organiser un événement. Souvent ici au pays, on a besoin d'à peu près 100 officiels. Dans les 100 officiels, on y trouve des officiels qui sont responsables du déroulement du rallye. Il y a les contrôleurs là-dedans, il y a les officiels chargés de la sécurité routière qui ont pour devoir principal de voir si les spectateurs respectent les conditions ou bien la réglementation qu'on a mis en place lors des rallyes. Il ajoute que parmi ces officiels, on y trouve également ceux qui sont chargés de résultats et d'autres chargés des relations entre l'organisation et les pilotes. Parmi ces officiels, on y compte aussi des observateurs de l'autorité nationale sportive. Il y a aussi des officiels chargés des résultats, il y a des officiels chargés des relations entre l'organisation et les pilotes. Je ne cite que cela. Ce directeur des courses au sein de la Fédération des clubs automobiles au Burundi précise que l'attribution des points dans le sport de rallye est effectuée selon la réglementation mise en place par la Fédération internationale de l'automobile. L'attribution des points durant les rallyes est effectuée selon la réglementation mise en place par la Fédération internationale de l'automobile en partenariat avec les fédérations locales. Dans la prochaine chronique sportive, Adonne Gamier expliquera la collaboration entre les officiels lors de la compétition. Merci Marie-Claire Kazeneza et Adonne Gamier, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles. Et le secrétaire de la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir en commune Rumonge est retenu au cachot du commissariat communal de Rumonge depuis l'après-midi de ce dimanche. La police de Rumonge accuse Uli Mwengu Bigirimana d'escroquer la population en percevant illégalement de l'argent sur des sites d'extraction des matériaux de construction selon des sources au commissariat provincial de Rumonge. Actualité internationale. Hors de nos frontières, le gouvernement chinois a salué lundi 21 novembre l'accord noué lors de la COP27 en Égypte, mais prévenu qu'il restait encore un long chemin à parcourir en matière de coopération à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique, rapporté l'AFP. Et au moins 5 personnes sont mortes dans un incendie dimanche 20 novembre dans un entrepôt situé dans le centre de Moscou. Près de 3 grandes gares ferroviaires ont indiqué les services de secours. Le feu s'était déclaré dans l'après-midi mais n'a pu être éteint dans la soirée. Les incendies accidentels sont fréquents en Russie, souvent dus à la vétusté des équipements ou au non-respect des normes de sécurité, relate toujours l'AFP. Un tremblement de terre a secoué lundi 21 novembre des bâtiments de la capitale indonésienne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le séisme d'une magnitude de 5,4 selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis a frappé près de la ville de Cianjur à quelques 100 km de Jakarta. Les autorités locales annoncent près de 20 morts et 300 blessés dans le séisme. Et après le premier match du groupe A qui a opposé le Qatar à l'Équateur dimanche à l'ouverture de la Coupe du Monde, les Lions de la Teranga affronteront les Pays-Bas ce lundi au stade Al-Tumama de Doha. Les champions en titre de la Coupe d'Afrique entrent dans la compétition ce lundi face aux Pays-Bas. Pour le coach Aliou Cissé, il faut avant tout que son équipe passe la phase de poule si elle veut espérer aller loin dans cette compétition et rêver d'une finale. L'entraîneur sénégalais a appelé le jeune défenseur Moussa Ndiaye pour remplacer sa star Sadio Mané, forfait pour la Coupe du Monde. Les représentants du football africain au Mondial du Qatar sont le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc. Et voilà, chers auditeurs, à 13h06, c'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse régionale. Gardez l'écoute. Actualité régionale. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette revue de presse régionale. Rébellion du M23 en RDC après une courte accalmie en dimanche de combat, titre le journal actualité.cd. Les offices religieux ont été écourtés dimanche dans des villages du nord-est de la République démocratique du Congo par l'irruption des rebelles du M23 qui restent à l'offensive en dépit des appels à déposer les armes. Les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu pouvaient avoir été entendus, mais la calmie n'a duré qu'une journée. Nous étions à l'église pour le culte et le M23 a surgi en tirant beaucoup de coups de feu, a déclaré à l'agence française de presse par téléphone un pasteur de Katwiguru, agglomération du territoire de Rutshuru située sur le front nord-est des combats entre l'armée congolaise et le M23. Selon Jean Bosco Bahati, un responsable de la société civile locale, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région à quelques 35 km d'Ishasha, localité frontalière de l'Ouganda située non loin du lac Édouard. Selon toujours ce journal actualité.cd, plus au sud, les combats ont aussi repris dimanche matin à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, au niveau de Kibumba, qui marque depuis plusieurs jours la ligne du front sud. M23, le problème de Tshisekedi avant les élections de 2023 en RDC, titre le journal The East African. Le président Félix Tshisekedi a brisé le jinx dans la politique de la RD Congo en devenant le premier président à arriver au pouvoir dans une transition pacifique. Il ne se fait cependant aucune illusion sur le fait que les élections de l'année prochaine sont une tâche facile pour un pays qui est en proie au désarroi politique et civil depuis des décennies. Pourtant, il promet de faire tout son possible pour ramener la sécurité dans les provinces de l'Est du pays, actuellement touchées par la violence des acteurs locaux et étrangers. Et la dernière chose dont il a besoin est une escalade de la violence et des combats entre les forces gouvernementales et le groupe rebelle dominant M23. Il cherche donc à exploiter toutes les bonnes volontés pour sortir de la guerre. Selon ce journal The East African, il est également confronté au défi de prouver qu'il est meilleur que son prédécesseur, Joseph Kabila, qui avait réussi à signer un accord de paix avec le M23 en 2013, bien que les rebelles affirment maintenant que Kinshasa a renié les conditions. Les violences au sud et au nord Kivu et en Ituri sont perpétrées par plus de 120 groupes armés intermittents. Certains sont composés de combattants étrangers ou sont armés par d'autres pays, ce qui est à l'origine de tensions entre certains voisins de l'Est. Le peuple crie les effets du charbon, écrit le journal Mwananchi. Les habitants du village de Rwanda, dans le district d'Ombinga, dans la région de Ruvuma, en Tanzanie, sont exposés au risque de cancer du poumon et de fièvre typhoïde après qu'il a été découvert que l'eau des rivières entourant les mines de charbon contient des produits chimiques et soufrés. Une enquête menée par ce journal et confirmée par des experts a révélé que des citoyens rwandais se sont plaints de diarrhée et de perte de grossesse chez certaines femmes, alors qu'il est expliqué que dans les sources d'eau telles que les rivières et lacs, on retrouve des poissons flottants après leur mort. Gertrude Payovela, responsable des services de qualité de l'eau de la région de Ruvuma, admet avoir reçu des demandes de travailler sur les plantes. Nous avons mesuré et constaté qu'il existe en effet de nombreux produits chimiques soufrés qui ont un effet car l'eau est également très acide, a-t-elle déclaré. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse régionale. À la présentation, vous étiez avec Vestine Boutoyi. Au revoir. Actualité régionale.